Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. J'aimerais que nous puissions revenir quelques instants sur le chapitre 9 du livre du prophète Daniel que nous avons déjà envisagé ce matin. Et je voudrais que nous puissions reprendre plusieurs versets où il est question, à partir de verset 24, de ce programme de Dieu, en quelque sorte. 70 semaines d'années ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes, pour mettre fin au péché, pour expier la faute, pour amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, pour oindre le Saint des Saints. En ces quelques mots, Daniel évoque tout ce qu'est le programme de Dieu. Et ce programme de Dieu, il se résume aussi en une expression que nous avons déjà rencontrée dans les chapitres précédents, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Ce soir, j'aimerais revenir sur cette notion du royaume de Dieu, comme je vous l'avais dit il y a quelques jours. L'idée de ce royaume, elle apparaît pour la première fois ici dans ce texte du prophète Daniel. Mais comme j'ai eu l'occasion de vous le dire le premier soir, le livre du prophète Daniel est en filigrane dans le Nouveau Testament dans son ensemble. Et quelques-unes des notions essentielles du Nouveau Testament sont précisément tirées de ce livre de Daniel. Et l'idée du royaume de Dieu est aussi tirée du livre du prophète Daniel. Lorsque nous lisons les évangiles en particulier, nous constatons que ce royaume, il est omniprésent dans la prédication de Jésus. Il n'était d'ailleurs pas le seul qui annonçait ce royaume, et nous lisons que c'était aussi le thème de la prédication de celui qui l'avait précédé, à savoir Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de confusion dans le monde chrétien en ce qu'est le royaume. Et nous allons essayer ce soir de cerner d'un peu plus près cette notion, qui est une notion essentielle, puisque, comme nous l'avons dit, c'était le thème principal de la prédication de Jésus. Matthieu nous dira, dans le début de son évangile, que Jésus parcourait les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. C'est dire que si Jésus prêchait ce royaume, il faut que nous comprenions précisément de quoi il s'agit. Je vous ai déjà évoqué brièvement ce qu'était la définition de ce royaume, telle que nous la trouvons notamment dans le Notre Père. Au centre du Notre Père, il y a cette demande, « Que ton règne » ou « Que ton royaume », c'est le même mot, on peut traduire des deux manières différentes, « Que ton royaume vienne » et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons défini le royaume de Dieu en disant que ce royaume, c'est la situation qui apparaîtra au dernier jour, quand sur cette terre, comme Jésus le demande, la parfaite volonté de Dieu s'accomplira de la même manière qu'elle s'accomplit dans le ciel. Et contrairement à ce que l'on a compris parfois, cette demande du Notre Père n'est pas un appel à la résignation. Si quelque chose de difficile m'arrive, eh bien que la volonté du Seigneur soit faite, c'était donc que sa volonté soit faite. Et l'on a souvent considéré cette parole comme un appel à la résignation en face de l'adversité qui pouvait nous atteindre. En réalité, Il s'agit là de bien autre chose, même si c'est vrai que ça peut aussi être pris dans ce sens-là. Mais le sens premier de cette demande est que la volonté de Dieu, qui est toujours, nous dit l'apôtre Paul, bonne, agréable et parfaite, puisse se réaliser sur la terre aussi parfaitement qu'elle s'accomplit dans le ciel. Et c'est pourquoi, quand nous avons lu hier ce texte d'Ésaïe 11, où il est question du loup qui habitera avec l'agneau, de l'enfant sevré qui s'ébattra sur l'antre du cobra, alors nous avons là une idée de ce que sera le royaume messianique, royaume qui, comme l'a pensé un certain, qui contrairement à ce qu'a pensé un certain christianisme, n'est pas situé au-delà de la terre, au-delà de l'histoire, mais bel et bien sur cette terre. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Mais nous allons nous arrêter un peu plus longuement ce soir, non pas sur la définition de ce royaume, mais plus exactement sur la manière dont ce royaume-là va venir. Et c'est évidemment dans les évangiles qu'il nous faut chercher une réponse à cette question. Maintenant, il faut savoir que lorsque Jésus parle de ce royaume et qu'il va donner des détails sur la manière dont ce royaume vient, alors bien sûr, il est en relation directe avec les textes de Daniel que nous avons lus. Jésus ne fait que expliciter cette venue du royaume, telle que Daniel l'a définie. Et nous avons vu qu'il y a une relation étroite entre ce royaume et le titre de fils de l'homme qu'il se donnait, puisque le fils de l'homme de Daniel n'est rien d'autre que le roi de ce cinquième royaume, c'est-à-dire en réalité du royaume de Dieu. Quelqu'un a eu cette boutade féroce. Il a dit « Jésus prêchait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». C'est une boutade et elle pourrait effectivement paraître juste. En réalité, elle ne l'est pas. C'est bel et bien le royaume qui a commencé à venir. Jésus a défini les modalités de la venue de ce royaume dans essentiellement ce que l'on appelle les paraboles. Paraboles, nous en avons déjà parlé aussi le premier jour. Les paraboles, comme celles des sages d'ailleurs, sont toujours en relation avec les choses dernières, avec la venue du royaume. Et le but de Jésus, en enseignant par paraboles, était de montrer et de définir comment, dans quelles conditions et de quelle manière ce royaume qu'il annonçait allait venir, pour que les auditeurs puissent savoir comment accueillir ce royaume. Alors, il y a ce texte que nous avons évoqué. Jésus parcourait les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette expression, elle est tirée d'un texte d'Ésaïe au chapitre 52, où il nous est dit ceci, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. » Bonne nouvelle, ça se dit en hébreu « Besora tova ». Et ça se traduit en grec par « évangélion », c'est-à-dire l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est directement en relation avec le royaume. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, celui qui annonce une bonne nouvelle, qui proclame la paix, qui annonce le salut, ce que Jésus faisait, et qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Ton Dieu règne, c'est l'annonce du royaume. Le messager de la bonne nouvelle, c'est le Messie. Et l'évangile qu'il proclame, cette bonne nouvelle, c'est que ton roi vient, ton Dieu règne pour toujours. Autrement dit, le royaume vient. Et non seulement Jésus, comme l'avait annoncé le prophète, annonce cette bonne nouvelle. Il est véritablement ce messager de bonne nouvelle. Mais Jésus faisait aussi des miracles. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Et voilà justement ici ce qui frappait les auditeurs de Jésus. C'était les miracles qu'il accomplissait. Et une certaine occasion qui nous est rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, comme d'ailleurs dans un texte parallèle de celui de Marc, il nous est dit que Jésus avait un jour guéri un démoniaque. C'était monnaie courante chez lui. Et ses adversaires disent « c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons ». Et Jésus les reprend. Il dit « réfléchissez un peu. Ce que vous venez de dire est évidemment une énorme ineptie. Parce que si c'est par Belzébul que je chasse les démons, ça veut dire que Satan, Belzébul c'est Satan bien sûr, si c'en est ainsi, Satan se chasse lui-même, ça veut dire qu'il s'auto-détruit. Croyez-vous qu'il est assez stupide pour avoir une conduite pareille? Bien sûr que non, c'est mal le connaître. Par conséquent, la seule conclusion logique en face de ces miracles que je fais, c'est que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Ça, c'est la version que nous en donne Luc. La version parallèle que nous en donne Matthieu nous dit « c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons ». Ça veut dire « l'Esprit de Dieu et le doigt de Dieu, ce sont deux synonymes. Le doigt de Dieu, c'est aussi l'Esprit de Dieu ». Pourquoi Luc préfère-t-il employer l'expression « doigt de Dieu » plutôt qu'Esprit de Dieu? Parce qu'il fait allusion à un épisode de ce qui s'est passé en Égypte au moment de l'Exode. On a évoqué déjà cette période de l'histoire où le Pharaon endurcissait son cœur. Et Moïse, animé par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, accomplissait des miracles devant le Pharaon et devant ses sages, ses magiciens. Et pendant toute la première partie de ce combat spirituel entre Moïse, l'envoyé de Dieu, et les sages du Pharaon, ces derniers ont pu imiter les miracles que le faisait Moïse. Et en imitant ces miracles, ils voulaient démontrer qu'en fin de compte, derrière ces soi-disant miracles, ils n'avaient strictement rien de miraculeux puisqu'ils étaient capables d'en faire autant. Et pendant tout un temps, il en est ainsi. Jusqu'au moment où intervient un nouveau miracle, les poux se répandent sur le pays d'Égypte. Et là, pour la première fois, les magiciens de l'Égypte seront incapables d'imiter le miracle que Moïse vient de faire. Et devant cet échec, ils se tournent vers le Pharaon et lui disent « Maintenant, c'est le doigt de Dieu ». Et lorsque Jésus répond à ses disciples « Ce n'est pas par Belzébul, le prince des démons, que je chasse les démons, mais c'est par le doigt de Dieu », il fait allusion à cette remarque des magiciens d'Égypte à Pharaon. C'est le doigt de Dieu. Et Jésus ajoute ceci. Et si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous. De la même manière, le signe des poux et de tout ce qui a suivi était le signe que la puissance de Dieu surpassait celle des magiciens de l'Égypte, mais c'était aussi le signe que la délivrance d'Israël était proche. À chaque moment, chaque fois que Moïse et Aaron faisaient un nouveau miracle en Égypte, la délivrance s'approchait un peu plus, même si, pendant tout un temps, cette délivrance non seulement a tardé, mais il a semblé même que l'oppression devenait encore pire. Mais néanmoins, les miracles que faisaient Moïse et Aaron étaient le signe que cette oppression touchait à sa fin. Lorsque Jésus vient et qu'il commence son ministère, apparemment rien ne change. Et pourtant, quelque chose change. Parce que s'il est vrai que le train de ce monde continue même pendant la présence de Jésus lors de sa première venue, déjà, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors ce n'est pas encore la pleine manifestation de ce règne de Dieu où le loup habitera avec l'agneau, mais c'est le signe que cette délivrance-là, elle s'est approchée. Les miracles que fait Jésus sont des signes que le royaume de Dieu s'est approché. Il y a un autre incident qui nous est rapporté aussi, toujours par l'évangile de Matthieu comme de Luc d'ailleurs, où Jean-Baptiste est en prison et dans cette prison, il se met à douter de la messianité de Jésus qu'il a pourtant proclamé fils de Dieu au Jourdain. Et il envoie des messagers vers Jésus en disant « Es-tu celui qui vient ?» C'est d'ailleurs un des noms du Messie dans la tradition juive, « Abba, celui qui vient. » « Es-tu celui qui vient ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Ça veut dire « Es-tu le Messie ? Ou est-ce d'un autre qu'il s'agit ?» Jésus ne répond pas directement à cette question. Sous les yeux des envoyés de Jean, il accomplit quelques miracles. Et ensuite, se tournant vers ses messagers, il leur dit « Allez dire à Jean ce que vous avez vu. » Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça veut dire, ces signes miraculeux qu'il accomplit par le doigt de Dieu, ou, si vous préférez, par la puissance de l'Esprit de Dieu, sont non seulement des signes qu'il est véritablement le Messie, mais en même temps que la délivrance s'est approchée du peuple d'Israël. De la même manière que lorsque Moïse et Aaron faisaient des miracles en Égypte, c'était le signe que leur délivrance était proche. Et lorsque les envoyés de Jean sont partis, Jésus se tourne vers la foule et leur dit « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» Un roseau agité par le vent, ou un homme vêtu d'habits somptueux? Non, bien sûr, parce que ceux qui sont vêtus d'habits somptueux sont assis dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, en effet, et même plus qu'un prophète. Car depuis l'époque de Jean, alors là, il y a une traduction difficile. Il faut traduire, semble-t-il, la manière suivante. Le royaume de Dieu a fait une brèche. Ou encore, le royaume de Dieu a fait irruption. Il semble que cette expression étonnante en grec corresponde à un texte que nous trouvons dans le chapitre 2, prophète Michée. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Brèche, en hébreu, se dit Peretz. Peretz, c'est aussi un des noms du Messie. Le Messie, dans la tradition juive, est appelé Ben Peretz, c'est-à-dire le fils de Peretz. Peretz étant le fils de Tamar, un des jumeaux que Tamar avait enfanté, qui devait être aussi l'ancêtre du Messie. Et si on retraduit cette expression en hébreu, ça nous donne Malchut Adonai Poretzet. Le royaume de Dieu a fait une brèche. Le royaume de Dieu se répand par cette brèche qui a été faite. Et là, je vais prendre une image pour expliquer ce que Jésus veut dire quand il emploie cette expression. Il y a entre ce que la tradition juive appelle ce monde-ci et le monde qui vient, on dit en hébreu « Haolam Hazeh veHaolam Haba'a », c'est-à-dire le monde qui est actuellement le royaume de Satan, et le royaume qui viendra ensuite, c'est-à-dire le royaume de Dieu, le monde qui vient, il y a une barrière qui a été mise par le péché. Et cette barrière, fait que l'homme est incapable de goûter et de connaître les richesses du royaume de Dieu. Il y a là deux mondes séparés, deux mondes qui ne se peuvent pas se rencontrer à cause du péché de l'homme. Et c'est là qu'intervient le Messie, dans cette muraille épaisse, cette muraille qui est comme un barrage entre ces deux mondes. Le Messie va faire la brèche, va faire une brèche. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe parfois, des catastrophes qui se produisent là où il y a des barrages qui retiennent un cours d'eau. Parfois des barrages qui sont impressionnants. Et les ingénieurs qui ont construit ces barrages doivent veiller attentivement à ce qu'il n'y ait pas de fissures dans ce barrage. Et parfois, il peut se créer de ces fissures, parfois qui sont ténues, qui semblent ne pas être graves. Mais petit à petit, il y a une sorte de fissure, une sorte de brèche qui se produit dans ce barrage. Et si on n'intervient pas tout de suite, on va voir couler par cette brèche un mince filet d'eau. Jusque-là, rien de bien inquiétant, semble-t-il. Et puis, ce filet d'eau, il va aller en s'amplifiant. Et puis un jour, la catastrophe se produit. Sans qu'on s'y attende et sans qu'on l'ait remarqué, le barrage, par cette brèche, a été miné dans ses fondations. Et sans qu'on s'y attende, ce barrage est emporté en l'espace de quelques instants. Et le torrent qui se trouvait retenu par ce barrage va faire irruption dans la vallée. Et il va tout inonder, il va tout ravager sur son passage. C'est un petit peu l'image que Jésus ici nous donne quand il parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est semblable à ce torrent que le barrage du péché a retenu. Et là, eh bien, il y a une non-communication entre ces deux mondes. Et puis Jean-Baptiste et ensuite Jésus viennent. Et une première brèche est faite dans ce barrage. Et on commence à voir couler un petit peu de l'eau qui est derrière le barrage. Et cette eau, ces réalités du royaume de Dieu, elles se manifestent justement par les miracles que fait Jésus. Les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les boiteux qui marchent, les morts qui ressuscitent, ils sont la manifestation qu'il y a déjà une brèche dans ce barrage qui sépare le royaume de Dieu de ce monde-ci. Et déjà, un certain nombre d'hommes et de femmes sont capables de faire l'expérience de ces réalités du royaume de Dieu, de ce royaume qui n'est pas encore là, mais qui déjà est tout proche. Il est tellement proche que déjà, des hommes peuvent déjà recevoir les bienfaits de ce royaume de Dieu. Et le fait qu'il y ait déjà un filet d'eau plus ou moins important qui coule par la brèche de ce barrage est le signe que déjà ce barrage est miné à l'intérieur et que bientôt, très bientôt, dans un temps que le Seigneur seul connaît, va se produire ce qui arrive dans ces barrages qui sont minés justement par ces eaux. Soudain, le barrage que Satan a construit entre le royaume de Dieu et le monde sur lequel il règne va voler en éclats. Et les miracles que Jésus fait sont les signes. Si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, c'est donc le signe que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand il parle de cette brèche qui a été faite dans ce barrage, Jésus ajoute quelque chose. Le royaume de Dieu fait irruption. Le royaume de Dieu a fait une brèche. Et le royaume de Dieu, en quelque sorte, commence à envahir le royaume de Satan. Mais, comme Jésus l'a laissé entendre à ceux qui lui reprochaient de chasser les démons par Belzébul, Jésus dit, en face de cette situation, le diable ne reste pas inactif. Il a bien compris, lui, que cette brèche qui a été faite dans ce barrage est le signe que son règne commence à chanceler. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? ce royaume qui a fait irruption, nous dit Jésus, il subit de grandes violences. Ça veut dire, Satan va rassembler toutes ses forces. Il va rassembler tous ses démons. Il va rassembler tous ses moyens, toute cette possibilité pour s'opposer au royaume de Dieu. Pour s'opposer, pour essayer de colmater cette brèche. Pour essayer d'empêcher et de repousser cette invasion de son royaume qui sont faites par les forces du royaume de Dieu. Et ça veut dire que dans un premier temps, le temps qui est la première venue de Jésus, le ministère terrestre de Jésus tel que nous le rapportent les évangiles, ce temps est un temps de combat. Certes, le royaume de Dieu a fait irruption en la personne de Jésus dans le monde. En la personne de Jésus, il a fait une brèche. Et déjà, la puissance de l'Esprit, la puissance du royaume de Dieu est en train d'envahir le royaume de Satan. Mais Satan ne reste pas inactif. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner si Jésus subit des oppositions. Il ne faut pas s'étonner si en dernier ressort, Jésus lui-même sera conduit à la croix. Il ne faut pas s'étonner si le diable sème l'incrédulité dans les cœurs vis-à-vis de cette parole du royaume qu'il annonce. Il ne faut pas s'étonner si les disciples, à leur tour, quand ils suivront l'exemple de Jésus, subiront eux aussi des persécutions, des oppositions, des outrages. C'est logique, c'est dans la logique même des choses, parce que Satan sait que son trône chancelle. Il y a un autre épisode qui nous est rapporté aussi dans les évangiles, où Jésus envoie ses disciples en mission, après leur avoir donné le même pouvoir que celui qui est le sien. Il leur donne le pouvoir de chasser les démons, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il leur dit, ressuscitez même les morts. Et les disciples s'en vont accomplir la mission qui leur a été confiée par Jésus. Et puis ils reviennent remplis de joie. Ils disent, Rabbi, c'est formidable, les démons même nous sont soumis. Et Jésus déclare ceci, je voyais Satan tomber du ciel dans un éclair. Ça veut dire que pendant que les disciples étaient en train d'accomplir ce ministère, qui était le ministère du royaume de Dieu, guérir les malades, chasser les démons, proclamer la bonne nouvelle, libérer les captifs qui étaient captifs du péché, eh bien, le trône de Satan était en train d'être ébranlé, comme ce barrage dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était sapé dans ses fondations. C'est vrai que, extérieurement, on avait l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Tel malade était guéri par-ci, par-là, etc. Mais fondamentalement, c'était les bases mêmes du royaume de Satan qui étaient sapées. Et au travers justement de ces ministères que les disciples accomplissaient, Jésus pouvait dire, c'est Satan qui est détrôné, c'est Satan qui tombe du ciel dans un éclair. Ça veut dire, c'est le royaume de Dieu qui est en train de remplacer le royaume de Satan. Il y a aussi une autre petite parabole que Jésus emploie pour manifester ce qu'est cette première étape de la venue du royaume. Parce que nous allons le voir dans un instant, le royaume de Dieu, il vient en deux étapes, en deux temps. Cette parabole, c'est ce qu'on appelle la parabole de l'homme fort. Après avoir donc congédié les disciples de Jean, et avoir donné cette parole sur le royaume qui a fait la brèche, ce royaume qui a fait irruption dans le monde, Jésus déclare ceci. Cette génération perverse et adultère demande un signe, un miracle, un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour sa génération. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec les hommes de cette génération. Ils la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et il la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour voir la gloire de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et Jésus continue en disant « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et c'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que toi. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, en vérité, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Ça veut dire, en face de ces manifestations du royaume de Dieu, en face de ces signes miraculeux qui montrent que c'est le doigt de Dieu qui signifie que le royaume de Dieu est proche, que déjà les bases du royaume de Satan sont sapées et que bientôt son royaume va voler en éclats en l'espace de quelques instants. Il faut répondre de deux manières, par la foi et par la repentance. Ceux qui avaient été témoins de ces miracles, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum et les autres villes dans lesquelles il avait fait l'essentiel de ces miracles, ne se sont pas repentis lorsqu'ils ont vu ces miracles. Et en cela, ils ont été aux antipodes de ce qu'ont été les Ninivites ou de ce qu'a été la reine de Séba, la reine du Midi. Jonas n'a fait aucun miracle à l'inverse de Jésus. Il s'est contenté de proclamer un message qui n'avait rien de particulièrement positif, réjouissant, encore 40 jours et Ninive est détruite. Et pourtant, les Ninivites se sont repentis à la prédication de Jonas. Il n'a pas fait de signe, mais par sa présence, par sa prédication, il a été un signe pour les Ninivites. Les Ninivites n'ont pas vu de miracle, ils ont cru et ils se sont repentis. Et les contemporains de Jésus ont vu des miracles que les Ninivites n'avaient pas vus. Et eux, à l'inverse de Ninive, ils ne se sont pas repentis. C'est pourquoi dit Jésus, au jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins rigoureusement que toi. Face à ces signes du royaume, il faut répondre par la foi et la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et Jésus donne ensuite cette petite parabole à laquelle j'ai fait allusion, la parabole de l'homme fort. Il dit, s'il y a dans un lieu un homme fort, tellement fort, tellement costaud, qu'il est absolument invincible. Cet homme, il a de nombreux biens, de grands biens, qu'il garde soigneusement dans sa maison sur laquelle il veille jalousement. Et comme il est tellement fort, personne n'a jamais réussi à le dompter, et par conséquent, personne n'a jamais réussi à piller sa maison. Mais s'il survient quelqu'un qui est plus puissant que lui, et qui le dompte et qui le réduise à l'impuissance, lui, il va piller ses biens. Cette expression, l'homme fort, le puissant, disons les choses comme cela, nous la trouvons dans le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe. Ce chapitre 53, le quatrième chant du serviteur de l'Éternel, que l'on a appelé la passion selon Ésaïe, tant il décrit avec précision les souffrances que Jésus a connues sur la croix. Mais ce chapitre 53 ne se contente pas de révéler ce qu'ont été les souffrances de Jésus. Il nous dit ceci. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, le serviteur de l'Éternel, c'est moi qui ajoute ça, prolongera ses jours, ça veut dire il ressuscitera, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand, et il prendra possession du butin du puissant. Le puissant, c'est l'homme fort de la parabole. Le puissant, c'est le diable. Le diable est tellement puissant que jamais aucun homme n'a pu le dompter. Et c'est la raison pour laquelle le diable a accumulé ce royaume qui est le sien. Ce royaume sur lequel il veille jalousement. Ce royaume, notamment, où il a réduit des millions d'hommes et de femmes en esclavage, esclavage du péché, esclavage de la maladie, esclavage de la possession démoniaque, etc., etc. Et ces hommes et ces femmes qui sont enchaînés par cet homme fort sont dans une situation de détresse totale. Jamais personne n'ayant pu dompter cet homme fort, jamais personne n'ayant pu dompter Satan, la condition de ces malheureux est sans espoir. Mais nous dit Jésus, citant le prophète Ésaïe, voici que vient quelqu'un qui est plus puissant que lui. C'est Jésus lui-même, le Messie, le serviteur de l'Éternel. Et lui, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui, il va lier cet homme fort, il va le dompter, il va le réduire à l'impuissance, et il va piller ses biens. Ça veut dire, il va mettre en liberté ses victimes. C'est pourquoi, lorsque des malades sont guéris, des démoniaques sont délivrés, des morts ressuscitent, des pécheurs sont pardonnés, c'est le signe que déjà l'homme fort, le prince de ce monde, Satan, est déjà lié et d'une certaine manière déjà réduit à l'impuissance. C'est le signe que son royaume est en train de chanceler. Mais, comme nous l'avons dit, Satan, bien que déjà, comme on dirait familièrement, dans les cordes, est encore vigoureux. Et il va faire tout son possible pour résister à cet homme plus fort que lui, qui est en train justement de le réduire à l'impuissance. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir un déchaînement diabolique dans ce temps-ci. Et Jésus dit à ses disciples, et à ses auditeurs, « Ne soyez donc pas étonnés si le royaume de Dieu, qui pourtant a fait irruption au milieu de vous, subit de la part des hommes méchants et de la part de Satan de grandes violences. » C'est normal, c'est dans la logique même des choses. Et c'est pourquoi le temps de la première venue de Jésus n'est pas un temps facile. La première phase de cette venue du royaume est une phase difficile. Et dans d'autres texte, dans d'autres paraboles, Jésus va comparer cette première phase de la venue du royaume à un temps de semaille. Temps de semaille qu'il va opposer à un deuxième temps qui sera le temps de la moisson. Jésus a souvent employé des paraboles qui sont tirées de l'agriculture et le thème des semailles et des moissons est quelque chose qui revient souvent dans les paraboles de Jésus. C'est emprunté aussi à l'écriture. Notamment, il y a un des psaumes démontés, qui est le psaume 126, qui dit ceci. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence reviendra chargé d'allégresse quand il portera ses gerbes. » Et dans tous les textes de l'Écriture, il y a toujours une opposition qui est faite entre les semailles et les moissons. Le temps des semailles, c'est un temps difficile. Comme le disait notre psaume, on sème avec larmes. Semer, c'est gaspiller la semence. Et on ne sait pas ce qu'il va en advenir de cette semence. Et notamment, il y a une des paraboles les plus célèbres de Jésus, qui est la parabole du semeur, qui reprend ce thème. Un semeur sorti pour semer. Et il va semer, donc, à tout vent. Et le drame, c'est que la majorité de cette semence va être perdue. Trois quarts de la semence, au moins, sont perdus. Un quart tombe sur des chemins pierreux qui font que les oiseaux du ciel viennent la manger. Un autre quart tombe dans un endroit où il y a des pierres et elle va être incapable de pousser. Un autre quart tombe parmi des épines qui vont l'étouffer. C'est un gaspillage inutile, c'est un gaspillage vain. Et Jésus dit, celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Donc, il se compare à ce semeur. Dans sa première venue, Jésus a semé, et il a semé avec larmes. l'homme de douleur est habitué à la souffrance. Pourquoi l'essentiel de la semence est-elle perdue? Parce que cette semence du royaume, elle subit une grande violence de la part du royaume de Satan. Et Satan rassemble toutes ses forces, les oiseaux du ciel, les pierres du chemin, les épines, pour tenter de réduire à néant la semence du royaume. Et par conséquent, devant cet échec apparent, les disciples pourraient être découragés, dire « Mais Seigneur, à ce moment-là, à quoi bon ?» Et la pointe de la parabole est la suivante. Oui, l'essentiel de la semence est perdu, c'est vrai. Mais une petite partie de cette semence tombe dans de la bonne terre. Or, cette semence du royaume, il y a en elle une telle puissance que bien que l'essentiel de cette semence ait été perdu, et bien qu'une toute petite partie seulement va pouvoir pousser, cette semence est tellement riche, elle est tellement puissante qu'au dernier jour, au temps de la moisson, elle va donner une moisson formidable. Un grain en donne 30, un autre 50 et un autre 100. Ça veut dire, vous mes disciples, ne vous découragez pas devant l'échec apparent de mon ministère. Ne vous découragez pas devant l'échec apparent de votre ministère. Des oppositions que vous allez subir quand à votre tour vous entrerez dans ce champ qu'est le monde. Parce que même si une toute petite partie de cette semence va tomber dans de la bonne terre, au dernier jour, au jour de la moisson, ce sera une moisson extraordinaire. Et autant vous aurez semé dans les larmes dans ce premier temps qui est celui du royaume, autant vous moissonnerez avec chant d'allégresse lorsque viendra la deuxième phase de la venue du royaume qui sera le temps de la moisson. Il y a une autre parabole qui reprend la même idée, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à de la semence, de la bonne semence qu'un homme a jetée dans son champ. Mais pendant qu'il dormait, son ennemi est venu et il a semé l'ivraie. Et quand les végétaux commencent à pousser, on se rend compte qu'il y a de l'ivraie qui a été semée dans le champ. Et les serviteurs du maître lui disent, mais est-ce que tu veux qu'on aille arracher cette ivraie? Et le maître dit, non, surtout pas. Parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain. Laissez-les pousser ensemble. Et au jour de la moisson, on fera le grand tri. Alors, on mettra d'un côté le bon grain et de l'autre côté l'ivraie. Et l'ivraie, on la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Et les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, explique-nous la parabole de l'ivraie. » Et Jésus dit, « Le champ, c'est le monde. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème l'ivraie, c'est le diable. » Le Fils de l'homme, il a semé dans le champ du monde la bonne semence du royaume. Et comme l'avons vu, Satan se rend compte que c'est son domaine qui est envahi. Et par conséquent, il va passer à la contre-attaque. Le royaume des cieux a fait irruption dans ce monde, mais il subit de graves violences. Et pour empêcher la semence du royaume d'atteindre sa maturité, Satan va semer de l'ivraie. Et la tentation et le scandale d'ailleurs, c'est comment se fait-il que Jésus et Dieu tolèrent cette présence de l'ivraie. Ne conviendrait-il pas d'aller arracher cette ivraie avant qu'elle ait eu le temps de commettre des dégâts? Et c'est la question des collaborateurs, des serviteurs du maître. Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Et ça pourrait être évidemment la réaction des disciples. Mais Seigneur, mais c'est pas normal! Pourquoi le méchant prospère-t-il? Nous en avons déjà parlé, c'est le scandale du livre des psaumes. Jésus répond, parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain. Alors il faut s'attendre à un temps très particulier, entre le temps des semailles et le temps de la moisson, un temps où le bon grain et l'ivraie vont croître ensemble. Si bien qu'on aura l'impression que rien ne s'est passé. Jésus est reparti dans sa gloire et le train du monde continue tel qu'il était. Les pécheurs continuent à se promener avec arrogance sur la terre. Ils continuent à occuper les premières places. Ils continuent à opprimer les justes. Satan apparemment continue son petit bonhomme de chemin. Il continue à avoir des guerres, des oppressions et que sais-je encore. Et c'est la raison pour laquelle les braves gens, comme on dit, posent la question s'il y avait un bon Dieu, pourquoi ces choses arrivent-elles? C'est exactement la question des serviteurs. Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Pourquoi tu n'arraches pas l'ivraie? Parce que si on arrachait l'ivraie, tu empêcherais les pécheurs de se convertir. Tu empêcherais ces gens que le Seigneur veut sauver de pouvoir eux aussi entendre cette bonne nouvelle, croire et se repentir et par conséquent être sauvés. Alors il vaut mieux laisser le train de ce monde se poursuivre tel qu'il est. Mais néanmoins, il y a au milieu de cette ivraie, il y a la semence du royaume et elle croît. Une autre petite parabole chez Marc nous dit que cette semence, quand elle a été jetée en terre, l'agriculteur, qu'il dorme ou qu'il veille, ça ne changera rien. Cette semence, il y a une puissance irrésistible qui a été libérée. Et ça va prendre un certain temps, c'est vrai, mais au bout du temps, eh bien, cette semence, elle va germer et elle va porter du fruit. Et le temps de la moisson vient, on y met la faucille, car la moisson est mûre. Jésus, dans sa première venue, a initié, a mis en place un mouvement irrésistible, le mouvement du royaume. Et ce mouvement irrésistible, quoi que les hommes fassent, quoi que Satan fasse, eh bien, il va atteindre un état de maturité quand le temps sera venu. Et quand le temps sera venu, on verra que c'est une formidable moisson. Une formidable récolte. C'est alors que s'accomplira, dans la deuxième venue de Jésus, cette manifestation du royaume de Dieu en gloire. Pour le moment, il ne s'agit pas encore de la manifestation du royaume de Dieu en gloire. Mais lorsque viendra le temps de la moisson, alors on verra que cette petite semence qui semblait tellement faible, qui semblait tellement inefficace, aura au contraire porté une formidable moisson. Et Jésus, justement, veut ainsi encourager ses disciples à avoir cette attitude de foi vis-à-vis de ce qui peut sembler, qui pourrait sembler comme un échec apparent. Et puis, il y a une deuxième série de paraboles où Jésus nous dit que ce temps de cette première partie du royaume, la venue du royaume, c'est évidemment un temps aussi où le Seigneur essaye d'atteindre tous les pécheurs. Il y a une petite parabole fort intéressante qu'on appelle la parabole du filet. Il serait plus juste de parler de la parabole de la senne. La senne, c'est un filet très spécial. C'est un filet rectangulaire qui fait entre 150 mètres et 200 mètres de long. Dans sa partie supérieure, il est garni de liège et dans sa partie inférieure, il est garni de lest, de telle manière que quand il est mouillé dans l'eau, il fait une sorte de muraille comme cela. Ce filet est manœuvré par deux équipes. Une première équipe de pêcheurs qui reste à terre et une deuxième équipe qui est sur un bateau. Ce filet, il est plié en forme d'accordéon, placé sur le bateau et la première équipe garde l'extrémité de ce filet vertical par une perche qui est placée à l'intérieur et le bateau s'éloigne du rivage perpendiculairement en déroulant derrière lui le filet jusqu'à ce que tout le filet soit mouillé. Et lorsque le filet est complètement déroulé, il forme une espèce de muraille comme ça dans la mer. Alors le bateau fait un 90 degrés comme le battant d'une porte et il revient sur le rivage. Et entraînant derrière lui le filet racle dans la mer tout ce qu'il trouve. Et quand le bateau arrive sur la mer, sur la terre, on tire le filet à terre et on récupère tout ce qu'il y a dans le filet. Et Jésus nous dit, quand le filet est ramené sur le rivage, on fait le tri. on fait le tri entre deux types de poissons. Ce qu'on appelle dans la tradition juive les poissons cachers et les poissons qui ne le sont pas. Vous savez que selon les ordonnances du Lévitique, le peuple d'Israël ne peut consommer que des poissons qui ont des écailles. Et par conséquent, les poissons d'écailles, qui n'ont pas d'écailles, ne sont pas considérés comme consommables. Aujourd'hui encore, lorsque les pêcheurs juifs ramènent leur filet, ils effectuent ce tri. Il y a notamment une espèce de poisson de lac de Tibériade qu'on appelle le poisson chat, qui est un poisson excellent en demeurant, mais qui n'a pas d'écailles. Alors on le rejette dans la mer. Et Jésus nous dit, il en sera ainsi, au jour, au dernier jour. Nous sommes aujourd'hui dans une première période où le filet a été mouillé dans la mer par Jésus, et il est en train de faire ce 90 degrés. Ça veut dire, il ramasse toutes sortes de poissons. Ça veut dire, la parole de l'Évangile s'adresse à tous les hommes, les bons, les mauvais, les justes, les injustes. Dieu est un Dieu qui aime tous les hommes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tous ceux qui entendent l'Évangile sont appelés. Il n'y a pas d'exception. Et par conséquent, tous les poissons, les bons et les mauvais, sont pris dans ce filet. Ce filet qui est celui du royaume de Dieu. Mais un jour viendra où le filet aura achevé son 90 degrés et on le retirera sur la terre. Et là, on fera le tri entre les justes et les injustes. Et le dernier jour, le jour de la moisson, ce jour de l'avènement du royaume, sera aussi le jour du grand tri. Non seulement ce sera un jour de réjouissance où ceux qui auront semé dans les larmes moissonneront avec chant d'allégresse parce qu'ils seront à la tête de cette extraordinaire moisson, même s'il avait semblé que c'était un échec. Mais en même temps, ce sera un jour du grand tri. On séparera le bon grain de l'ivraie, comme on sépare les poissons cachers et les poissons non cachers. Jean-Baptiste avait employé une parabole semblable quand il disait « Du Messie, il a son vanne à la main, il nettoiera son air ». Il engrangera le bon grain dans les greniers, mais la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Pendant toute la période que nous vivons, il n'y a pas de différence entre les justes et les méchants. Les méchants prospèrent et les justes, parfois, sont opprimés. Parfois, ils prospèrent aussi. On a l'impression qu'il n'y a aucun avantage d'être juste plutôt que d'être méchant. Les uns et les autres ont le même sort. Et par conséquent, qu'en est-il du royaume de Dieu s'il en est ainsi? Oui, parce que le filet, il ramasse tout. Mais lorsque viendra le temps du grand tri, on verra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 7 semaines, 70 semaines d'années ont été fixées sur ton peuple. Pour amener la justice éternelle, pour amener l'avènement du royaume de Dieu. Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus prêchait et disait, « Le royaume des cieux s'est approché, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le message de Jésus reste le même aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les signes du royaume de Dieu sont manifestes au milieu de nous. C'est par le doigt de Dieu que le Seigneur intervient, que le Seigneur agit. Et ces manifestations du doigt de Dieu, de l'Esprit de Dieu, sont le signe que l'homme fort il y est, qu'il y a une brèche qui a été faite dans le monde, et que déjà, le royaume des cieux envahit ce monde, même si encore pour un temps, il subit de violentes oppositions. On peut aussi comprendre cette parole d'une manière un tout petit peu différente. Pour pouvoir bénéficier des bienfaits de ce royaume, il faut subir des violences. Accepter. Accepter de renoncer à soi-même. Accepter de prendre sa croix et de suivre Jésus. Accepter d'entrer dans ce chemin qui a été le sien, celui d'un temps où l'on sème dans les larmes. Certes, comme l'avait fait pour ses disciples, Jésus leur donne la puissance sur tous les démons, sur tous les esprits impurs, sur toutes les puissances de l'adversaire. Et Jésus, avant d'envoyer ses disciples, leur dit « Rien ne pourra vous nuire ». Mais il avertit ses disciples « Vous subirez de violentes oppositions ». Aujourd'hui, plus que jamais, cette parole est à l'ordre du jour. Satan sait qu'il a peu de temps et il rassemble pour un ultime assaut toutes les forces de son royaume. Et c'est pourquoi il faut s'attendre à ce que ces derniers temps ne soient pas forcément des temps faciles. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et voilà, il y a deux chemins aussi devant nous. Celui de Chorazine, de Bethsaïda, de Capernaum. De ceux qui refusent de s'engager. De ceux qui refusent de sacrifier leur confort pour prendre le parti du royaume de Dieu, pour prendre le joug du royaume de Dieu. Et pourtant Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez le repos de vos âmes. » Nous pouvons être comme Bethsaïda, Capernaum et Chorazine. Et quand le royaume de Dieu viendra, nous serons comme eux, abaissés jusqu'au séjour des morts. Ou bien, nous pouvons faire comme les hommes de Ninive, comme la reine de Séba. Réalisant qu'il est ici plus que Jonas, en la personne du roi du royaume, il y a plus que Jonas, il y a plus que la reine du Midi. Les hommes de Ninive ont cru. La reine de Séba est venue jusqu'aux extrémités de la terre et l'a payée de sa personne. Est-ce que nous sommes prêts à payer de notre personne à cause du royaume? Et ce sera une dernière parabole que j'évoquerai avant de conclure. Le royaume des cieux est semblable à une perle de grand prix, à un trésor caché dans un champ. Parce que justement, cette perle de grand prix, ce royaume, il est caché dans un champ, il n'est pas évident du tout. Mais un homme intelligent a découvert ce trésor caché dans ce champ. Alors il a gardé pour lui jalousement ce secret. Et dans la joie qui était la sienne, il a vendu tout ce qu'il avait et il a acheté le champ. Et ses voisins se sont sans doute dit, mais il est fou celui-là. Ce champ, il vaut pas tripette. Et pour pouvoir acheter ce champ, il a vendu tous ses biens. Mais à quoi il pense ? Mais cet homme qui a acheté le champ sait qu'il n'a pas fait une mauvaise affaire. Il est le seul à savoir qu'il y a un trésor caché dans ce champ. Le royaume des cieux est semblable à un trésor. Est-ce que nous avons découvert que le royaume des cieux est semblable à un trésor? Mais c'est vrai, pour pouvoir acheter ce trésor, il faut être prêt à vendre tout ce que nous avons. Et ça nous coûte. Mais pour cet homme qui avait trouvé ce trésor, ça ne lui a rien coûté, à cause de la joie qui était la sienne, d'avoir découvert ce trésor extraordinaire. Cette semence qui semble faible, insignifiante, mais qui est tellement puissante qu'elle va porter une moisson formidable, une richesse incalculable au dernier jour. Le trésor et la semence, c'est presque deux choses semblables. Cette faible semence, elle va donner à celui qui l'a semé une richesse, un trésor inestimable au dernier jour. Il vaut la peine de tout gaspiller, jeter toutes ces choses aux quatre vents, parce que la moisson nous compensera de toutes les pertes que nous avons supportées pour le royaume. Est-ce que tu es prêt ce soir à vendre tout ce que tu as pour acheter le champ dans lequel se trouve le trésor qu'est le royaume de Dieu? Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com